Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que ce soit dans le Berry, dans le Hurepoix, en Sologne, en Corrèze, en Bretagne, en Normandie, et du reste dans presque toutes les régions françaises, Claude Seignolle, franc-tireur de l'ethnologie, a recueilli les légendes et les peurs traditionnelles pour faire renaître un monde qui n'existe plus. Mais attention, Claude Seignolle croit-il en ces légendes, aux malédictions? En 2002, au micro de Marie-Hélène Fraissé, il précisait « Je suis un menteur idéal ». C'était dans Appel d'air, le 27 septembre 2002, précisément. Entrez donc, voilà ma crèmerie. Ce que vous voyez ici, ça appartient à toutes les époques de curiosité qu'on peut trouver aux puces. Aux puces, pas chez les antiquaires. C'est-à-dire que celui qui cherche bien peut acheter ça pour 3000 francs il y a 15 ans, et ça vaut 150 000 francs aujourd'hui. Non, c'est pas acheté pour le placement. Chiné. Allez, approchez-vous. Écoutez, vous m'excuserez, je suis peut-être un peu cavalier, je suis rien du tout, mais lorsque j'allais voir ces vieux paysans dans les salles de ferme, où on morcelait devant la porte et c'était pas agréable, ou quand on me faisait rentrer, je prenais conscience que je prenais sur leur temps de culture et qu'ils me gardaient toute la journée et qu'on m'offrait une chambre. Ça, c'est un cadeau. Et ces gens-là ont vécu tout le restant de leur jour en disant « Un écrivain, un écrivain est venu chez nous, il est resté, il a couché la tête, on n'a pas changé les draps. » Appel d'air. Pour qu'on soit follement épris de vous. Lorsqu'un jeune Vosgien a arrêté son choix sur une fille et veut lui inspirer de l'amour, il ne lui suffit pas toujours, pour réussir dans cette entreprise, de se recommander à Saint-Joseph. Un trèfle à quatre feuilles fait plus sûrement son affaire. Heureux celui qui découvre ce trèfle sans peine et parvient sans être aperçu à le glisser entre la nappe et la pierre d'autel de sa paroisse. Aussitôt qu'une messe aura été dite sur ce brin d'herbe, l'auteur du charme n'aura qu'à le placer au milieu d'un bouquet dont il fera respirer le parfum à la femme qu'il désire en disant « Gabrielle illa sunt » pour que celle-ci se sente, au même moment, follement éprise de lui. Voilà, c'était un petit extrait des Évangiles du Diable de Claude Seignolle pour vous mettre en appétit. Claude Seignolle, on l'a entendu, donc chineur d'objets rares, mais aussi chineur de légendes, de contes, de superstitions. Il a produit une œuvre abondante, autant que savoureuse, je veux dire pleine de saveurs et d'odeurs, qui se répartit entre plusieurs genres, l'enquête ethnographique, le roman ou le conte fantastique, et puis également le récit, parfois autobiographique, ainsi celui qu'il a intitulé « Une enfance sorcière », joli récit pour se raconter. Le tout avec une prédilection très évidente pour les jeteurs de sorts, les maléfices, les princes des ténèbres et autres manifestations sulfureuses venues du versant noir de l'imaginaire. Tardivement, cette œuvre a été reconnue par l'université, car longtemps elle a été un peu mise, je dirais, avec une certaine condescendance à la rubrique de la littérature populaire. L'université donc lui a consacré à Cerisy un colloque au cours de l'été 2001. Et avec nous se trouve ce soir en direct, car Claude Seignol, il a fallu, et vous allez l'entendre au cours de cette émission à plusieurs reprises, le rencontrer chez lui, car Claude Seignol ne se déplace pas. Mais avec nous se trouve Jean Marigny. Bonsoir Jean Marigny. Bonsoir. Et vous êtes l'un des principaux, on dit quoi, seignolien, seignoliste? Seignolien, peut-être, oui. Et c'est vous l'organisateur de ce fameux colloque de Cerisy. Avec Roger Bozzetto, effectivement, nous avons organisé ce colloque qui a été une très longue aventure. J'espérais que Claude Seignol serait des nôtres. Malheureusement, il n'a pas pu venir à Cerisy, mais il était de toute façon présent pendant cette semaine qui a été absolument extraordinaire. Alors vous, Jean Marigny, vous êtes un spécialiste de la littérature fantastique. On vous doit un ouvrage qui fait autorité sur les vampires dans la collection Découverte Gallimard. Je n'ai pas mis d'ail dans mes poches parce que j'ai pensé que tout de même, vous étiez peut-être pas impliqué dans votre sujet au point de pratiquer l'activité vampirique, mais vous avez suivi Claude Seignol, lui, pas à pas, depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années. En fait, j'ai découvert Claude Seignol dans les années 60 grâce à la mythique collection Marabout, où ses contes ont été publiés. Et ça a été véritablement une découverte, car je ne connaissais pas très bien le fantastique français, étant donné que je suis plutôt de formation angliciste. Mais je dois dire que Seignol m'a tout de suite conquis, et c'est avec plaisir que je lis et je relis ses contes fantastiques. Alors oui, vous êtes plutôt donc un lecteur de son œuvre fantastique, voilà. Mais ce soir, c'est plutôt l'enquêteur qui nous intéresse. Enquêteur donc dont on va montrer au fil de cette émission la qualité, bien qu'il se soit toujours situé hors de toute institution, hors de toute université. C'est un peu un franc-tireur de l'ethnologie, Claude Seignol. C'est un franc-tireur de l'ethnologie dans la mesure où il a été lancé sur les routes de France par Van Gennep. Il s'est intéressé d'abord au folklore du Hurepoix, et ensuite il a parcouru toutes les provinces de France, et avec une espèce de candeur, une espèce de fraîcheur, qui fait que son travail est vraiment unique en son genre. Il n'avait pas d'a priori scientifique lorsqu'il a commencé ses enquêtes. Et il allait dans les fermes, il posait des questions, et il a réuni une documentation absolument extraordinaire. Les évangiles du diable en particulier en sont le témoignage. Alors il va nous raconter tout de suite l'histoire de cette vocation qui est très étroitement liée à sa vie, à son enfance et à sa vie familiale. Je porte en moi un héritage. Ma mère est née en 1880. J'étais dans son ventre en 1880. Biologiquement, j'étais sous une forme parmi l'infini de ce qu'elle avait en elle. Quand je suis né en 1917, j'ai été pratiquement élevé par une mère et une grand-mère qui avaient l'esprit du 19e siècle. Bon. Ma grand-mère, qui était née sous Napoléon III, avait une mentalité impériale. Et elle était un peu redressée par son propre père qui était né sous Louis-Philippe. Donc j'avais droit à des réflexions avec des interjections populaires d'une époque défunte, mais tout autour de moi, tous les gens qui étaient là, étaient des gens du 19e siècle, à part ceux qui étaient nés à la même année que moi. Donc il y avait autour de moi une culture qui n'est plus là aujourd'hui, dont on n'imagine même pas la sobriété, la brouette avec des roues pleines, parce qu'on avait fait, on avait découpé le bois sans mettre de rayon. Bon. Ces gens-là, autour de moi, avaient des réflexions périgourdines, avec l'accent tejotépétique, emefaïkaga, vous savez ce que ça veut dire, tout ça. Et moi, c'est rentré en moi. Et la grand-mère me racontait des peurs de loups, des peurs pour me faire peur. Et comme elle voyait que ça marchait bien, ma grand-mère, qui était d'une génération ancienne et qui avait ce mode d'enseignement, parce que la peur, comme disait Bethlehem, c'est la chose essentielle chez un enfant. Faites peur à un enfant, vous devenez son ami et son ennemi. Mais en attendant, il a été armé contre la peur tout petit. Hein ? Il ramène à des dimensions plus modestes la frayeur. Bon. Et que cette grand-mère, elle qui vivait avec interjection, qui faisait des métaphores perpétuellement par la langue périgourdine, qui est une langue doc, est fabriquée d'images. Tant et si bien que j'étais formé à avoir peur du loup, à pas me pencher sur un puits, parce que dans le puits, il y avait un serpent qui pouvait sauter à la figure, et ça m'est resté toute ma vie encore aujourd'hui, je ne me penche pas sur un puits, parce que des fois que ce soit vrai l'histoire du basilic qui est enfermé dans le puits. Donc il y a une démarche tout à fait naturelle chez moi. Et l'intérêt qu'il n'y a pas chez les autres grands chercheurs, chez Van Gennep, chez Sébillio, les grands collecteurs qui, avant moi, ont rassemblé les mythes, les légendes, mais c'était toujours ethnographique ou folklorique. Moi, j'ai eu cette chance énorme, c'est que, pour me faire peur et faire peur autour de moi, j'ai, en tant que cancérien, rajouté encore de la sauce à ce que m'a raconté la grand-mère. Je suis un menteur idéal. Ne me croyez pas quand je vous dis quelque chose, il y a une grande part de mensonge. Même ma mère croyait qu'elle, j'avais convaincu qu'elle était ma mère. Elle y croyait. Alors, j'en arrive à ce petit détail. C'est que si des Van Gennep sont restés dans leur rigueur, c'est-à-dire une rigueur toute scientifique, universellement reconnue, et qu'ils rencontrent un petit Claude Seignol et son frère, qui s'intéresse à tout, qui dit « Oh, mais qu'est-ce que ça ? Pourquoi vous mettez vos doigts dans le nez ? Ah, mais pourquoi vous l'avez mis trois fois au lieu de deux ?» Qui observe tout et qui demande des explications. Van Gennep, je suis allé le trouver avec des cailloux que j'avais ramassés. Ici, aux environs, j'avais trouvé une petite villa gallo-romaine. Donc, je fouillais, j'avais fait tout, j'avais des tuiles, des machins. Je suis allé voir Van Gennep. Jean Jess m'a reçu dans un truc qui était beaucoup moins grand que ça, bourré de boîtes de chaussures. Il n'y avait pas d'ordinateur, ils coupaient des petites fiches, et dizaines de fiches étaient... C'est des gens formidables, ces gens-là, autrefois. Aujourd'hui, vous mettez tout sur ordinateur, vous savez, sur un bouton, vous avez un livre, hein, une anthologie. Bon. Alors, il m'a dit, oh, mais que c'est formidable ce que vous avez trouvé. Alors, je dis, oh, hein, j'avais 15 ans, 14 ans. Hein. Et il me dit, c'est très bien, mais vous savez, une vieille hache polie, si elle est enterrée, on peut la retrouver dans 1000 ans, et ce sera la même. Hein, elle sera pas, elle n'aura pas bougé. Tandis que il y a des gens sur le terrain où vous fouillez, des vieux, c'est un pays où on cultive la fraise. Et c'est même amusant parce qu'on appelle les fraisuriens, les habitants du coin, et puis précisons tout, c'est Léon la fraise, Léon le fraisier, Henri Paul le machin. Bon, mais vous faites du folklore. Ben, écoutez, vous voulez me faire plaisir? Est-ce que vous voulez mettre sur un bout de papier l'archéologie de ces gens-là? Vous allez voir les vieux. Vous en trouverez des vieux, on vous dira, tiens, celui-là, il sait des choses. Évitez les érudits, les scientifiques, les professeurs de lycée. Non, allez voir le paysan qui est dans son champ. Vous lui ferez plaisir, vous commencez par lui dire, parce qu'elles sont belles, vos fraises. Oh, dites donc, il va dire, tiens, voilà qui veut quelques-unes. Mais non, pas du tout, il va très vite comprendre que vous vous intéressez à l'art de cultiver les fraises. Et après mon vélo, je suis allé plus loin, je suis allé à Verrières-le-Buisson. En arrivant à Verrières-le-Buisson, qui est à côté, je me suis trouvé presque en pays étranger, mais je vous parle au début des années 30, hein, 14 ans, hein, mais un culot, comme maintenant, j'ai pas changé, j'ai toujours 14 ans. Et je dis, est-ce qu'il y a des guérisseurs? Ah bon, mais pourquoi? Ben non, ah si, il y en a. Ah tiens, au bout de la rue, il y a une dame qui fait du blanchissage à domicile, Madame Veuve Plé. Ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle est mystérieuse, c'est un peu une sorcière. Hein. Ah bon? Ah oh, une sorcière. Elle guérit les maladies d'yeux, les conjonctivites, les machins comme ça. Alors je vais la voir, mais j'ai pas mal aux yeux, je rentre. Madame, je voudrais faire un beau cadeau de guérison à maman. Elle a mal aux yeux tout le temps. Elle a les yeux qui le pleurnichent, puis elle a un orgelé. Alors elle me dit, mais un orgelé, écoute, dis à ta maman de venir me voir. Alors, je lui dis, mais dites-moi comment il faut faire, je vais lui faire sur les yeux. Et de confiance, elle me dit, ben viens avec moi. Je vais dans l'arrière-boutique, c'était dans la buanderie, plus exactement, et il y avait une vieille huche lapin qui avait les pieds moisis, je ne sais pas ce qu'elle mettait dedans, c'était relégué là, mais c'était son instrument de travail. Et elle me dit, tu t'agenouilles, tu mets tes deux mains sur le bord de la huche, et puis moi je vais te dire comment je vais faire pour ta maman. Mais il faut qu'elle vienne, toi ça sert à rien du tout, mais je vois que tu es curieux, je vais te le montrer. Puis elle baisse, elle lève le machin, il y avait un air qui remontait à un appel d'air moisi, hein, et elle me dit, voilà, le vent de la huche. Oh! Et je récite une prière. Et elle récite une prière. Maudit soit l'orgelé, va-t'en, Jésus a été brûlé sur sa croix, va-t'en où je te... Les imprécations. Oh, j'ai dit, c'est formidable, mais vous ne pouvez pas me le noter. Ah, elle me dit, mais c'est un secret, il ne faut pas. Alors, je dis, vous allez me dire, parce que moi, j'aurais bien le dire à maman, hein, elle ne peut pas se déranger, la pauvre femme, qu'est-ce que j'ai pu la faire passer? Elle a 90 ans, elle va avoir 100 ans, elle ne peut pas bouger, elle n'a rien, mais qu'est-ce que je vais lui faire plaisir? Elle me dit, alors tu récites ça et ça, puis vous en avez d'autres. Puis de fil en aiguille, elle me dit, c'est plus simple, je vais te donner mon carnet, tu me le rendras. Je rentre chez Van Gennep à vélo, et je lui dis, voilà. Elle me dit, ah, merde, vous avez trouvé ça. Il a été intelligent. Il aurait pu me dire, bon oui, c'est un truc banal, c'est les guérisseurs. Mais il m'a dit, mais non, J'avais l'impression d'être allé chez les papous, hein. Il dit, vous avez trouvé ça? Vous êtes fait pour faire le folklore? Voilà ce qu'il faut me ramasser. Faut aller à Saclay. Faut aller à Verrières-le-Buisson. Faut aller à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Faut aller à Étampes. Faut aller à Corbeil. Il faut faire une région. Le Hurepoix. Ça me manque sur ma carte. Voilà. Alors, c'est parti de là. Avec mon frère, nous sommes partis en vélo, nous avons fait tout le tour, et nous avons ramassé, au coup par coup, dans chaque village, les surnoms, les guérisseurs, les... Mais il y avait déjà en moi l'annonce, les prémices du collectionneur. Il faut avoir un esprit collectionneur, car en fait, qu'est-ce qu'on fait? On remplit, non pas un herbier de plantes rares, mais un herbier de propos voués à l'oubli, de croyances ancienne, je ne sais pas jusqu'où elle remonte. Là, je ne suis pas ethnologue. Van Gennep était un théoricien, il expliquait. Mais moi, je n'ai pas envie d'expliquer. Vous savez, Proust a dit un jour, cette belle phrase, il a dit « Moi, je rejette tout de suite un livre dans lequel on fait de la théorie. » Voilà, ben vous l'avez entendu, grâce à Claude Seignolle, ce soir, nous avons un appel d'air moisi, puisque nous parcourons le folklore, notamment en cherchant à rencontrer des gens avec des pratiques liées à la sorcellerie. Alors Jean Marigny, qui est avec nous en direct, qui est donc notre seignolien en chef ce soir, je crois qu'il faut tout de suite dire que... Ce qu'a fait tout de même Claude Seignolle, c'est un travail gigantesque du point de vue documentaire. Oui, ce sont des documents bruts, et je pense que Seignolle lui-même le dit, il est un passeur de mémoire, c'est-à-dire qu'il fait revivre un monde qui n'existe plus. Hein, et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Mais avec une quantité de documents recueillis, donc il a été infatigable sur le terrain. Pendant combien? 20, 30, 40 ans? Pendant une quarantaine d'années, effectivement, il a patiemment amassé ces documents. Et pratiquement toutes les provinces de France sont passées en revue, puisqu'il a publié énormément de tomes sur les croyances et les légendes des provinces de France. C'est vraiment un travail extraordinaire qui a été accompli là. Avec quelques thèmes de prédilection, on le sent bien, avant même qu'il devienne, on va s'en expliquer tout à l'heure, l'auteur de fiction, il y a une prédilection, il les questionne plus volontiers, ces paysans, sur leur relation avec le diable, leur pratique de magie, ou encore sur les rencontres de leurs grands-parents avec les loups. Le diable est absolument omniprésent. Le loup-garou est aussi une thématique qui revient souvent dans ses recherches. Et c'est lui d'ailleurs qui a découvert que, en fait, le loup-garou n'était pas un apport étranger, mais faisait véritablement partie du florilège des provinces de France. Parce qu'avant, on croyait que c'était germanique, le loup-garou? On croyait, oui. Parce que, effectivement, le mot loup-garou est une traduction française de Werwolf, hein, qui est un mot allemand. Et donc, on pensait que le loup-garou était une croyance qui existait uniquement en Europe du Nord, alors que Seignolle nous a montré que le loup-garou est omniprésent dans le folklore français. Alors, il n'y a pas seulement ce versant noir, il y a aussi les remèdes, il y a aussi tous les aspects de la vie quotidienne dans le monde paysan, où les superstitions sont très étroitement liées au savoir-faire traditionnel. Au savoir-faire, oui. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est quand on lit les évangiles du diable, on s'aperçoit qu'il y a énormément de recettes, comment séduire une belle, comment guérir de telle ou telle maladie, grâce aux malins ou grâce à des remèdes qui se sont perpétués de génération en génération. Mais enfin, le lieu où vraiment on le sent heureux et où il développe, c'est dès qu'il y a des choses qui font peur, oui, qui rôdent, des choses indéfinissables. C'est ça, oui. Et là, alors, le questionnaire devient très élaboré. On sent qu'il cuisine ses interlocuteurs pour en savoir plus. Oui, c'est ça. Et justement, c'est ça qui le prépare au fantastique, parce que effectivement, c'est la nuit, les créatures de la nuit, le diable qui véritablement rôde. La chasse volante. Certaines nuits sombres, on entend un grand bruit dans le ciel. C'est le convoi des âmes punies à aller en enfer. Il y a là de tout, des criminels, des ivrognes, des enfants non baptisés, des sorcières, enfin ceux qui n'ont pas droit au paradis. Le diable les mène à la cravache et les fait hurler de douleur, car il n'y va pas de main morte. Lorsqu'on entend la chasse volante, comme on dit, il faut vite se coucher à plat ventre, face contre terre, ou bien courir à la bifurcation de quatre chemins et tracer autour de soi un grand cercle au milieu duquel il ne faut pas oublier de faire une croix. À défaut de cette précaution, on risque gros. Alors la chasse volante, ça fait partie de ces thèmes qu'on retrouve un petit peu à travers toutes les provinces, ces thèmes transversaux de l'imaginaire un peu démoniaque paysan. Oui, parce que en fait, toutes ces légendes se retrouvent dans toutes les provinces de France, puisque Claude Seignol s'est intéressé non seulement au Berry et à la Sologne, qui sont peut-être ses terres d'élection, à la Corrèze, bien sûr, mais également à la Bretagne, la Normandie, et on retrouve assez curieusement les mêmes thèmes dans toutes les provinces, bien que la France soit quand même un pays de pluriculturel, hein. Et on retrouve constamment ces thèmes-là. Alors est-ce qu'on peut en déduire des Évangiles du Diable et de l'ensemble des enquêtes ethnographiques de Claude Seignol que véritablement le démoniaque est extrêmement familier dans le monde paysan, ou est-ce que c'est lui qui a mis l'accent par goût personnel sur cet aspect-là ? Je ne suis pas ethnologue, mais je pense qu'effectivement, le diable est omniprésent dans les croyances populaires. Hein, et il y a toujours un côté extrêmement sinistre dans ces croyances. Hein, c'est-à-dire qu'une espèce de méfiance vis-à-vis du surnaturel, une peur ancestrale, hein, qui est véritablement dans les esprits. Et je pense que Claude Seignol a su justement recueillir ces peurs extraordinaires. Ce qui frappe également quand on le lit, c'est la perte très rapide de ces traditions. Au fond, elles se sont perdues. Et ce qu'il nous a dit au début, qu'il y avait urgence, il a tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'en une ou deux générations, toutes ces traditions se sont perdues dans leur richesse. On en retrouve des bribes, mais parfois des fragments difficiles à mettre bout à bout. Je pense que la facilité des communications, la télévision, tous ces phénomènes qui font que la vie rurale n'est plus du tout ce qu'elle était, elle était complètement coupée des grandes villes, fait que les générations actuelles sont totalement coupées de leurs racines culturelles. Alors on va continuer de suivre Claude Seignol comme ça en pointillé, parce que je sais qu'il nous écoute de chez lui, mais il ne sort pas de chez lui, Claude Seignol, il reste parmi ses collections. Bonsoir Claude Seignol, si vous nous écoutez. Alors on va passer maintenant à une petite rubrique amusante, qu'on pourrait dire celle de l'arroseur arrosé, car en effet le collectionneur de témoignages sur les jeteurs de sorts se trouve parfois la cible lui-même d'un mauvais sort, ou du moins de ce qu'il considère comme tel. J'arrive sur le Causse de Blandas après avoir fait 800 km de route, 600 km de route. On me reçoit, madame l'institutrice qui me recevait me dit « Vous êtes peut-être fatigué, mais vous allez peut-être vous reposer. Des gens qui veulent absolument vous voir, ce sont les châtelains du coin. Hein, » châtelains du coin. Le coin, qu'est-ce que c'est ? C'est des bergeries, c'était vraiment des petits manoirs de 4 sous. On va manger, et puis, je sais pas pourquoi, je déplais au seul type qui n'était pas, qui était de la famille, mais qui n'était pas de là. C'est-à-dire, la fille du châtelain avait épousé un cantonnier lillois. Vous voyez un peu le genre. Bon. Mais ce type avait ce côté pervers de certains paruraux, des gens qui sont à la fois citadins, marginaux. Bon. Et une force dans le regard. Et il me dit, à un moment, j'avais l'air de regarder sa fille. Hein, on a le droit de regarder. Une belle fille. Hein, et il me dit, toi, un petit toi comme ça. J'étais fatigué, ça m'emmerdait, on ne voulait pas parler de tout ça. Et puis on me dit, oh, vos histoires de sorciers, vous savez qu'elles font peur, est-ce que vous y croyez, tout ça. Alors il me dit, il va être bien obligé d'y croire. Il me dit, bon, toi, tu vas avoir un accident d'automobile demain, tu vas casser ta pipe. Mais ça paraît. Alors les autres ont mis ça sur le compte du vin. Mais moi, j'étais pris d'une trouille. Je me suis levé, je dis, je ne peux plus rester ici. J'étais envoûté. J'ai pris ma voiture, j'ai ramené mes amis là, j'ai couché chez eux. Toute la nuit, j'ai vu si la porte était barricadée. J'ai l'impression qu'il pouvait me suivre avec son œil. Le lendemain matin, c'était une DS confortable. Ma voiture était arrêtée devant. Je dis, je prends mon café et je m'en vais. Bon, mais vous restez pas 2-3 jours. Je dis non, je reste pas là. Je n'ai pas envie de revoir ce type. J'étais conditionné par tout ça. Je monte dans ma voiture. Pendant le repas, il avait fait avec des mie de pain, il avait fait des petits personnages sans tête, décapités. Puis il avait mis ça sur mon pare-brise. Je rentre, je dis, vous voyez ? Il me dit, mais Claude, c'est une plaisanterie. Mais pour moi, ce n'était pas une plaisanterie. C'était peut-être une plaisanterie. J'aime mieux vous dire que j'ai roulé doucement. Toujours à la rubrique de l'arroseur arrosé, Claude Seignolle confronté à des objets qui ont peut-être un pouvoir. Comme tous les samedis matins, il y a une quinzaine d'années, à Montreuil, et au moment de reprendre ma voiture, où j'avais fait quand même le tour de tous les brocanteurs qui sont là, pour aller avec ma voiture par le périphérique, pour aller à la porte devant où il y avait une autre brocante, un clochard me vend une poupée d'envoûtement qui avait été dessinée dans une espèce de manche à balai, un bois, 50 cm de hauteur. Il y avait les cheveux, il y avait les yeux qui étaient dessinés sur un renflement qui faisait le visage, et il y avait au milieu un énorme clou, un tire-fond de 20 cm de long, qui avait été enlevé, qui avait presque éclaté le manche à l'odeur de l'emplacement de la poitrine. Je l'ai mis dans le coffre de ma voiture, j'ai pris le périphérique, et j'ai roulé à toute vitesse, mais alors vraiment vite. Puis à un moment, je me suis mis à réfléchir, et je me suis dit, mais t'as acheté un objet maléfique. Je sentais que j'avais fait une connerie. J'ai dit, mais il faut le foutre en l'air. J'ai dit, t'as acheté une vipère. Et puis elle est entre tes jambes, il faut que tu t'arrêtes. Et tu la jettes, tu la fous en l'air. Quelle idée il t'a pris. Elle était belle, t'as cru que c'était un objet empaillé, mais non, il est vivant. Je sors du périphérique, je m'arrête sur le bord de l'étal devant des brocanteurs. Et la première chose que je vois, c'est un prêtre défroqué. Un prêtre qui avait été un séminariste, qui n'avait peut-être pas abouti, mais dont on savait qu'il se payait des luxes de martyr, de faux semblants de religieux réprouvés et tout ça, mais très au fait des choses noires de la religion. Et je vais vers lui, je dis, ah, je suis content de vous voir. Je dis, regardez ce que j'ai acheté. Moi, mais regardez. Alors qu'il vient, il dit, c'est une poupée d'en... Oh, mais je n'ose même pas la toucher. J'ai dit, écoutez, non, on n'est pas quand même des gamins. Mais je vous avoue, j'avais la trouille, qu'il y a un pneu qui crève ou quelqu'un me rentre dans le machin. Je l'ai sorti, je lui ai mis entre les mains. Et j'ai dit, je vous la donne. Ah, il me dit, on va l'exorciser, mais il faut que je vous l'achète. Je vous donne 5 francs. C'est l'histoire de la main du diable, quoi. Il faut que je vous donne quelque chose. Dit, bon, ben, donnez-moi 5 francs, on joue le jeu, hein. De 5 francs, il me dit, vous pourrez me la racheter. Moi, j'ai dit, vous ne la rachetez plus. Je vous ai donné la pièce, je vous la rachète plus. Hein. Bon. Et ce type n'y a pas attaché d'importance. Puis je l'ai revu quelque temps après, et il me court après en me disant, mais est-ce que vous pouvez me la racheter? Parce que moi, cette chose, j'ai essayé de la brûler au bois de Vincennes, j'ai pas pu, je n'arrive pas à l'exorciser, ça vous appartient, je n'ai que des malheurs depuis que je l'ai. Mais je dis, mon vieux, écoutez, moi à la rigueur, si je trouve 2,50 francs, mais je n'ai pas de monnaie, je ne veux pas vous la donner, je ne veux pas entendre parler. Puis je me suis débiné, mais comme un voleur, comme un péteux, j'ai aucune honte de le dire. Et par la suite, on m'a dit que ce type a raconté pique-pente sur moi, que je l'avais envoûté, que j'avais monté une combinaison pour lui nuire, je sais pas pour quelle raison. Mais écoutez, moi, sauf ça, c'est un document extraordinaire. J'ai toujours été sensible en tant que paysan, en tant qu'héritier frustre des peurs populaires. Moi, un type me dit, dans certaines circonstances, tu rouleras, tu vas avoir un accident d'automobile, tu vois ta tête éclater contre le pare-brise, mais ça porte. Ça porte. Je finis par me demander si je respecte pas les forces noires autant que les forces claires, parce que les forces noires m'ont dit, Claude, nous te déléguons pour mettre sur le papier et faire partager tous les derniers frissons que nous pouvons encore donner à ce bon public qui va te lire. Autrement dit, je négocie avec les forces noires sans même me rendre compte que ces forces noires sont réellement méchantes. Je manipule des vipères en me disant c'est des couleuvres. l'attitude ambiguë donc de Claude Seignolle face à toutes ces choses démoniaques. Jean Marigny, donc seignolien depuis 40 ans, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que moi je n'ai pas réussi à savoir, si en fait il y croit ou pas? Alors ça, c'est une question très très complexe, car lorsqu'on lui demande s'il croit au diable, il élude la question, hein, il élude complètement la question. Mais je pense qu'il doit quand même, d'une certaine manière, être inquiet. Hein. Il y a une espèce d'inquiétude chez lui. Il y a une part de jeu, bien entendu. Et vous avez senti tout l'humour de ses propos. Mais on sent que derrière l'humour, il y a peut-être une inquiétude quelque part. Et d'ailleurs, oui, dans les questions qu'il a posées pendant si longtemps ces paysans de toutes les régions de la France, il est clair que c'est ces questions-là qui revenaient le plus souvent. Alors on revient encore une fois à l'habileté justement du questionneur. Parce que moi, ce qui me frappe, comme nous sommes des questionneurs professionnels à la radio, c'est que tout de même, il a su tirer les vers du nez, si j'ose dire, comme ça, à des quantités de gens. Et Claude Seignolle, maintenant, va nous expliquer sa méthode empathique, en quelque sorte, pour faire parler les gens. Je suis un représentant de commerce, comme il n'y en a pas deux. J'arrivais, et je commençais par parler des fraises, ou je commençais par parler de la beauté du toit. Est-ce qu'il était à refaire? Non. Depuis combien de temps il est là? Oh, vous avez un chaume, mais c'est pas dangereux. Alors, je disais, enfin non, mais vous êtes de l'assurance. Je dis non, mais c'est... Alors, moi, ça m'intéresse, je suis en train de faire un livre, ou simplement, je fais une enquête sur les chaumes. Puis je dis, oh, qu'il est gentil, ce petit. Vous, c'est des chats. Mais quelle race c'est, ce chat-là? C'est avec une chance, je tombais toujours sur quelque chose qui faisait que j'avais droit à l'estime de celui à qui je parlais, parce que je pointais du doigt vers le Benoni, c'est-à-dire le fils le plus doué, de qui on attendait ça. Et très rapidement, je saisissais par où je pouvais m'amener la sympathie de la famille. Et dès que j'avais la sympathie de la famille, ou du couple, ou simplement d'un plein, c'est fini. Dès la troisième question, on me disait, vous n'en avez pas d'autres. Parce que quand on dit à quelqu'un des choses qui... Ah ben, ce champ, vous l'avez depuis longtemps, mais les voisins, est-ce qu'ils vous gênent? Est-ce qu'il y a des... Oh, mon pauvre, on cherchait, il faut être avec un fusil, ils déplacent nos bornes. Oh, mais je dis, pour les bornes, tiens, moi, je connais une histoire. Il y a un conte, on raconte un conte. Est-ce que c'est... Ah, il me dit, oui, les grands, ah, ben, c'est bon pour les grands-mères. Celui qui déplaçait la borne était puni dans son au-delà à trimballer la borne sur le dos. Alors, il était pas, où je vais la mettre, et tout, pour l'éternité. Ah, il me dit, mais on a une histoire comme ça ici aussi. Oh, ben, c'est bien la Mélanie qui vous l'a raconté. Elle est morte, la Mélanie. Ah, non, ben, elle demande qu'à parler. Bah, écoutez, on va aller la voir, elle habite à côté. On va voir Mélanie. J'étais présenté. Toute ma vie, j'ai échangé ce qu'attendait celui à qui je m'adressais, que je ne connaissais pas, en tâtant la poire au début, en me disant, celui-là, il ne faut pas insister, il ne prendra rien. Je connais beaucoup de morphologie rurale. Vous avez la morphologie de l'instituteur. Alors lui, il est syndicaliste, il était syndicaliste au quart du temps, mais il se piquait d'érudition. Alors si cette érudition relevait d'avoir... demandait à ses élèves de noter des contes populaires. C'était pour moi une aubaine, j'étais sûr d'avoir toute une classe qui me chercherait des contes. Ça serait une rédaction, on m'envoyait le tout. Bon. Puis il y en a d'autres, il fallait les questionner au coup par coup, que ce soit dans les montagnes de l'Aigoual ou dans les zones torrides de la Camargue. Mais quelle est la superstition qu'il y a autour du taureau quand il vient de naître? Bon, mais quelle est la superstition quand... c'est fini, les questions sont posées. J'ai dit, vous oubliez de me poser des questions. Est-ce que vous avez pensé comment on enterrait un cheval chez nous en Camargue? Alors, j'ai dit, j'ai jamais pensé. Qu'est-ce qu'il y a encore à me raconter? Ben non, un cheval dont on était fier, on l'enterrait debout. On faisait un grand tour, on enterrait le cheval debout. Il fallait qu'il soit sur ses jambes. C'est là que j'ai appris qu'on ne disait pas pattes, c'est des jambes. C'est-à-dire que c'est un squelette humain. Il est traité comme le squelette humain, avec des noms, bon. Et on enterrait le cheval debout. Ben, je dis, on n'ouvrait pas la tombe des fois pour, après, enterrer le maître debout à cheval, comme au temps des Gaulois ou d'Attila. Alors, à cette caste d'instituteurs, il y avait le paysan, donc je viens de vous le dire, mais il y a aussi une caste extraordinaire, c'est les érudits. L'érudit, c'est l'ancien notaire, c'est l'instituteur, c'est celui qui se pique de vouloir devenir le géologue local. Donc il fait son petit article sur la formation du tertiaire, tout ce qu'il a pu trouver. Il y a celui qui fait les herbiers, c'est-à-dire la faune et la flore. Et tous ces gens-là notent avec leur patois et tout ça. Bon, moi j'arrivais, Et on me disait, oh ben y a quelqu'un là qui s'intéresse vraiment à tous les enclos. Ah bon, parce que les enclos ici, vous comprenez, ils doivent correspondre à quelque chose. Mais elle a toujours fait comme ça. Bon, depuis mon grand-père le faisait toujours. C'est un enclos avec une petite queue. Petite toiture. Alors vous approchez, c'est érudit, dit, j'ai fait un livre là-dessus, je vais faire un livre. Mais je dis, mais en attendant, qu'est-ce que vous avez noté? Ah ben j'ai noté des coutumes, des traditions autour de ça. Alors moi je dis, mais qu'est-ce que vous comptez le publier? Il dit, oui, mais enfin, à qui ça intéressera? Je dis, mais ça intéressera quelqu'un, moi. Ça intéressera et dans la mesure, on va collaborer. Je mettrai votre nom dans mon livre. Et je vais expliquer mon plan. Alors là, je peux l'expliquer. Je dis, mais alors, je n'en perds pas la propriété. Vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Les gens restent toujours avec la méfiance. Et comme il essaie de me donner 30 pages qu'ils aiment toute leur vie à relever tous les sobriquets des gens un par un dans un village. Vous imaginez ce que ça peut donner? Si yo chavia mi uno, si yo chavia, si yo chavia mi uno, si yo chavia, en paudor, to grafo tembu yorio, un credis en pio pio. Si yo chavia mi uno, si yo chavia, si yo chavia mi uno, si yo chavia, en paudor, to grafo tembu yorio, un credis en pio pio. Vers 1900, m'écrit Jean Gauthier de La Châtre, les fièvres infantiles étaient encore très courantes. Le père Grégoire m'a raconté que dans son enfance, vers 1875, passé au hameau de Cré près de Châteauroux, il avait été guéri par une bohémienne qui avait recommandé aux parents de lui faire boire de sa propre urine. Le rhume des fesses était un sujet de plaisanterie et une façon de faire obéir les enfants. Mais on m'a raconté que mon arrière-grand-mère maternelle avait pris un rhume de fesses pour s'être assise sur une marche trop froide et que ce rhume particulier avait duré 7 ans. Jean Marigny, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le rhume de fesses, que c'est une douleur, c'est un rhumatisme. Non, là j'ignore totalement, hein, c'est pas du tout. Alors je me tourne vers vous, Jean Marigny, parce que vous êtes un spécialiste de la littérature fantastique, c'est vous qui avez organisé le colloque de Cerisy autour de Seignol, et on va parler maintenant de ce moment de la carrière de Seignol où il est passé de l'enquêteur au romancier, au conteur, à l'homme de fiction. Donc quand et comment s'est fait ce basculement? C'est-à-dire que je pense que Claude Seignol était conscient que ses études ethnographiques ne touchaient qu'à un public très limité. Et il voulait porter témoignage à travers des œuvres de fiction. Parce qu'en fait, ses premiers contes, les contes paysans, ceux qui se déroulent en milieu rural, sont toujours fondés sur une expérience personnelle. Par exemple, dans Le Diable en sabots, le forgeron Roc guérit un enfant en faisant semblant de marteler son ventre avec un marteau, et Claude Seignol dit avoir assisté à ce genre de scène lorsqu'il était petit. Dans Marie Lalouve, par exemple, on a affaire à un personnage qui est le meneur de loups, et Claude Seignol a recueilli cette histoire d'une vieille dame qui a été le modèle de Marie Lalouve. Ça veut dire qu'il est passé insensiblement, parce qu'il va nous raconter tout à l'heure justement sa rencontre avec Marie Lalouve, il est passé insensiblement, sans véritablement s'en rendre compte, de celui qui raconte les histoires recueillies en mettant un peu de lui-même à une œuvre de conteur fantastique qui est quand même assez considérable. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, son œuvre se divise en deux parties très distinctes. Il y a ses contes paysans, qui sont des contes où il réutilise en quelque sorte le matériau qu'il a pu accumuler dans ses enquêtes. Et puis, il y a les contes du quartier des Halles à Paris, qui véritablement font partie du fantastique traditionnel. Car il y a aussi une couleur de fantastique urbain chez lui. Il y a un fantastique urbain qui est assez différent. Qui est assez différent. Par exemple, dans une nouvelle qui s'appelle Pauvre Sonia, on a affaire à un vampire. Or, il n'y a pas de vampire dans le folklore français. Alors je vous propose qu'on écoute justement Claude Seignol à nouveau nous raconter ce passage en direction de la fiction. Je suis né au milieu d'une famille dont toutes les têtes de pipe étaient des têtes de personnages de romans. La vieille sorcière, le vieux Bellâtre, tout. Bon. Je suis né avec ce grand bonheur. On m'a baptisé, je suis né à Périgueux. J'étais entouré que de femmes qui me racontaient des histoires. Téjoté, Piti, Kepfaï, Kaga. J'ai été baptisé à Saint-Front, à côté d'un pilier, sur lequel il y avait une relique extraordinaire, c'est la relique presque que tout écrivain devrait implorer. C'était une fiole de verre ramenée par les croisés, sous lequel il n'y avait rien dans la fiole de verre. Cette relique fragile, cette bouteille contient un des souffles du Saint-Esprit. Ça vous dit rien ? Personnage inventé, on avait enfermé le souffle. Et les gens venaient là pour l'implorer. Et je suis né dessous, c'est-à-dire dessous rien. Et quand je raconte une histoire de sorcellerie ou de faire peur à mes paysans, même le plus incroyant me dit « Vous exagérez ». Eh bien non, j'ai suffisamment vu pour me permettre de rajouter des inventions. C'est les livres, les 15 livres de folklore des provinces que j'ai visitées, j'ai noté exactement même les noms des gens qui pouvaient m'avoir raconté des... Ils sont notés, bon. Et après ça, tout ce que j'ai pu écrire n'est plus mensonge. C'est simplement une fabulation. C'est simplement le conteur à qui il manque un détail. Ma grand-mère, vous racontez une histoire. Et puis si jamais il manquait quelque chose, ben, elle mettait sa mère dans le coup. Hein. C'est du temps où ma mère avait été couturière. Hein. Puis après, si c'était un peu gris, si c'était triste, si voyait que c'était intéressant, elle rajoutait quelque chose. Et elle allait le piquer dans un autre conte. Ou alors, très rarement, elle l'inventait. Ben, moi, c'est pareil. Un jour, en faisant une enquête de folklore, pour me renseigner comme ça, en vélo, alors que la guerre n'était pas terminée, qu'il y avait les maquis qui s'iraient les uns sur les autres, on me dit « Ah ben, vous cherchez une vieille dame ? » ?»« Ah, il y a une vieille femme, on l'appelle Marie Lalouve. » Alors je vais voir la dame qu'on m'indique. J'étais au fin fond du village et elle était vraiment exclue. Je me fais entendre « Ah, ouais, plus dedans. » Moi aussi, je commence à plus en avoir. Mais enfin, ça se fait beau, hein. Mais les moustaches cachent tout. Je joue le vieux, hein, intégralement. Même je me casse la gueule quelquefois. Mais elle était là. Elle me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis « Merde. » Qu'est-ce qu'elle a dû être belle quand elle était jeune. Oh, bon, elle n'était pas vieille, elle avait peut-être 70 ans. Mais elle était ravagée, même pas ravalée. Et elle me raconte, elle me dit, « Oh ben moi, si vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas vous moquer de moi, vous avez dit, les loups, moi, ils m'appellent Marie Lalouve. Et encore maintenant, on m'appelle Marie Lalouve. Oh, je dis, pourquoi on vous appelle Marie Lalouve ?» Elle me raconte cette histoire, elle est authentique. Je dis, « Toc, toc, c'est vrai, hein, bon. » Mais je dis, mais c'est formidable. Et alors maintenant, maintenant j'ai plus de dents, alors je ne peux plus mâcher le pain, puis il n'y a plus de loup. On est bien tranquille. Je rentre, dans le folklore de la Sologne, il y a une ligne. Le découvreur qui dit, aujourd'hui j'ai aperçu un papou qui avait une plume dans le cul. Bon, il le note. Ça, c'est intéressant, mais ça va plus loin. Tandis que moi j'ai rencontré Madame Vanier, 70 ans, ben, et puis dans ma tête, ça y est, il s'est planté l'histoire de Marie Lalouve. Et j'ai inclus dans Marie Lalouve tout ce que cette enquête en Sologne m'avait permis. La même chose pour la malvenue. Alors je crois que là, ma force, il n'y a pas tellement de gens qui aiment ce que je fais, mais ceux qui l'aiment, l'aiment. Jean-Marigny, vous avez hoché de la tête quand Claude Seignolle nous a dit qu'il n'y a pas tellement de gens qui le lisent. C'est vrai, c'est pas vrai? Quel est le lectorat de Claude Seignolle? Ses œuvres sont constamment rééditées, hein, n'ont jamais cessé d'être rééditées. Et il est très prisé aux États-Unis aussi. Hein, donc c'est quand même un signe qu'il a un lectorat qui lui est fidèle. Et à l'heure actuelle, dans l'université française, il y a énormément de jeunes gens qui sont absolument enthousiastes pour cette littérature et qui lui consacrent des mémoires de diplôme et peut-être, il y a eu des thèses également qui lui ont été consacrées, ce qui prouve que il faut pas trop le prendre au mot. C'est de la coquetterie, Je pense. Il nous parlait justement de cette posture du narrateur face aux étrangetés qu'il rencontre. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Et vous avez relevé que cette hésitation était, au dire de Todorov, qui a analysé finement le fantastique, cette hésitation est la condition, justement, de la littérature fantastique, ce trouble. Oui, alors sur ce plan-là, ce qui pose peut-être un problème, ce qui fait que le fantastique de Seignolle est unique en son genre, c'est que dans les contes ruraux, enfin dans les contes paysans, les personnages n'ont aucun doute en ce qui concerne le surnaturel. Parce que pour Todorov, il y a fantastique à partir du moment où dans un monde qui est le nôtre, c'est-à-dire monde rationaliste, surviennent des événements extraordinaires. Or, dans ces contes ruraux, les protagonistes ne sont pas étonnés quand ils voient le diable, parce qu'ils croient au diable. Donc c'est un fantastique très différent de celui que définit Todorov, celui-là, ce fantastique rural. Par ailleurs, il est certain que ce qui il y a toujours une ambiguïté dans la mesure où les personnages sont un peu victimes de leur imagination, comme dans le fantastique assez traditionnel. Alors vous nous disiez que beaucoup de jeunes universitaires s'intéressent à son œuvre et on avait dit au début de cette émission, et je crois que c'est vrai historiquement, qu'il a longtemps été considéré comme un auteur un peu de série B. Et j'aimerais qu'on donne maintenant la parole à l'éditeur actuel de Claude Seignolle, Jean-Pierre Sic, parce que c'est un éditeur aux éditions Phébus qui s'est fait un petit peu une spécialité comme ça d'aller chercher des auteurs qui n'avaient pas très bonne presse, qui étaient justement un peu dans les rayon de second choix et de nous les donner à lire. C'est donc Jean-Pierre Sicre. Tout ce qui tourne autour du fantastique en France ne doit jamais loger au plus haut étage. C'est toujours un ou deux étages en dessous. C'est le fameux présupposé français des écrivains mineurs qui a atteint Nerval pendant presque un siècle, jusqu'à ce que Proust et quelques autres se disent que c'était peut-être le plus grand de son époque. Et Seignolle, qui a une double casquette dans son costume d'écrivain, une casquette d'ethnographe et de folkloriste du domaine ethnographique français, et une casquette de conteur et d'auteur de fiction. En tant qu'auteur de fiction, il utilise comme matériau ce qu'il a pioché dans l'uniforme du folkloriste et du récolteur de légendes. C'est-à-dire que le fantastique s'est ouvert à lui d'une manière complètement naturelle. Mais le fantastique en France a toujours... Vous n'avez pas d'auteur fantastique français qui soit supposé être de premier rang. Moi, personnellement, j'estime qu'il y en a. Jan Potocki, l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, qui n'est pas français, mais qui a écrit en français, est pour moi un homme de la trempe de Cervantes et des plus grands. Bon, il faut simplement, de temps en temps, aller un peu regarder dans les coins avec une lampe pour s'apercevoir que, pas toujours, bien sûr, mais quelquefois, et Seignolle en est un cas particulier, sous l'apparence d'un discours de second rayon, on va dire, on a des pépites merveilleuses. Je suis pas le premier à m'en être aperçu concernant Seignolle. Vous savez que Laurence Derel, qui admire énormément Seignolle, le considère comme peut-être le plus grand conteur fantastique européen du siècle. Je parle du siècle qui vient de s'achever. Seignolle a 85 ans aujourd'hui, il est vert comme un épinard, mais il n'écrit plus. Et cela dit, il avait dispersé ses contes que j'ai rassemblés en trois gros volumes dans cette collection de semi-poche libretto. Il y a de quoi s'amuser et de quoi surtout s'émerveiller. Son fantastique est un fantastique qui n'est pas né du côté... Bien sûr que Seignolle adore se balader dans la nuit et dans les ombres où personne ne va. Mais il emporte le bagage d'un vivant. Imaginez Colette écrivant des récits à faire peur. Mais c'est un peu Seignolle. Je me souviens que dans un de ses récits paysans, car là aussi, dans le domaine de la fiction, il y a deux versants chez lui, tous les contes qui ont rapport à la terre, aux superstitions paysannes, à la peur des campagnes, aux démons des campagnes, et à la ville, car il s'est toujours donné comme un suiveur et un frère, en fait, un frère tardif de Gérard de Nerval. Et je me souviens que dans un de ses contes paysans, il y a pendant deux ou trois pages la description, tout à fait bachelardienne, immensément poétique, du froid des campagnes l'hiver. C'est trois pages d'une beauté à crever. Donc c'est une sorte de sensualité et on a l'impression d'un très grand degré d'empathie avec les êtres humains. D'abord, Seignolle a traîné ses guêtres dans les lieux dont il parle, hein, ça c'est sûr. Il connaît ce dont il parle, c'est-à-dire il a vécu, c'est un type qui a beaucoup été sur les routes, qui adore bavarder, qui inspire la confiance aux gens à qui il parle, qui a reçu des tas de confidences dans les milieux paysans, dans les milieux les plus interlopes du Paris idéal qu'il a longtemps habité, et ami des anciens clochards, de toute cette population qui n'existe plus, qui a disparu avec l'arrachage des Halles de Baltard, mais qu'il a beaucoup fréquenté. Alors, il y a de la saveur, il y a de l'odeur. C'est aussi une des choses qui avait un petit peu disparu dans la fiction légèrement postérieure à Seignolle, les années 60-70. Ça le relie d'ailleurs encore à Colette. Il y a une de ses nouvelles, par exemple, où il décrit le sommeil lourd avec l'odeur de vieilles sueurs, des faucheurs qui continuent de faucher dans leur sommeil. Oui, c'est un très beau texte, d'ailleurs. Les bachelardiens aimeront Seignolle parce qu'il ne peut pas parler d'une une chose, même s'il s'agit d'une sorte de terreur sans visage, sans utiliser les mots les plus concrets. Pour lui, la réalité, de l'autre côté de ce fameux miroir carolien, Seignol tripote encore une réalité qui est bien celle d'ici. Ça rend d'ailleurs son fantastique à la fois très présent et terriblement convaincant. Voilà le témoignage de Jean-Pierre Sicre des éditions Phoebus, un éditeur qui est véritablement amoureux de la littérature qu'il publie. Jean Marigny, alors vous, Seignolien de longue date, pour terminer, dans ce fleuve d'œuvres seignoliennes, lesquelles nous recommandez-vous? C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est une œuvre gigantesque. Mais je dois dire que, en tant que lecteur naïf, j'aime les contes qui font peur, qui véritablement donnent une peur panique. Et je crois que La Malvenue, pour moi, c'est le grand texte seignolien. En particulier, il y a un passage qui m'a toujours hanté. C'est ce passage où la tête d'une statue roule dans un grenier. Et ça m'a donné des cauchemars pendant des nuits. Et puis, en tant qu'amateur de vampires, je citerai quand même Le Chupador, qui est une nouvelle extraordinaire, et Pauvre Sonia, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plein de poésie. Merci Jean-Marigny. Alors, vous aurez une bibliographie peut-être pas exhaustive, mais en tout cas très copieuse, pour compléter, sur notre site franceculture.com, à la rubrique Appel d'air. C'était Appel d'air, par Marie-Hélène Fraissé, Les enquêtes de terrain de Claude Seignol. Avec Claude Seignol, Jean-Pierre Sicre et Jean Marigny. Réalisation Christine Digère. Première diffusion sur France Culture, 27 septembre 2002. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.